sur le manteau, sa mère la noto. Elle tue pour moi, pour elle, je reviens sur la moto. Présent pour les bancs comme les pieds à momento. Prêt à payer le prix, peu importe quanto. La même histoire en réduite, c'est la queen, je suis le king. Je lâche rien comme les pites, je l'aime à mourir, je peux la kill. Madame de kick, je la kick, je suis hanté. Des fois je me dis, faut que je la quitte, je suis tenté. Tu peux envoyer les pieds, tout est quadrillé. Jusqu'à la moelle, dernière balle dans le bail. Je fais pas le grossiste, mais pas le temps de détailler. Et pour elle que je peux dérailler, elle même à se détailler. C'est mon bonbon, refresse ta gaga. Qu'est-ce qu'elle est bonne, boy. Elle est moi sous bonbon, chuch, flagada. Casse pas les bonbons, laisse-la qu'elle se repomponne. Tout finira pim-pom-pom, rom-pom-pom. Ouah, aujourd'hui elle me laisse tout seul. Ouah, t'es bizarre, tu fais des poussettes. Elle vient d'Espagne comme Rosalia. C'est ma gadi, amore mia. J'ai vécu seul, la tête dans les nuages. J'avais le seum, j'ai commencé à prier. Elle vient d'Espagne comme Rosalia. C'est ma gadi, amore mia. J'ai vécu seul, la tête dans les nuages. J'avais le seum, j'ai commencé à prier. Mi corazón, j'avais raison. Quand je m'énerve, elle me résonne. On est en bombe, on a remonté la pente. Y'a des passages qui remontent par Alicante. Et ouais les gars, c'est illégal. C'est éloquent, quand je rappe c'est élégant. Y'a le poteau, il a fini aux arrivants. Ouais, on va lui faire entrer des affaires. Je prends des risques, je réalise que j'ai pas tout ce que j'ai marqué dans la liste. J'entends les peuples, mais qui nous piste. Ils m'ont contrôlé à l'arrière de mon fils. Ouah, aujourd'hui elle me laisse tout seul. Ouah, t'es bizarre, tu fais des poussettes. Elle vient d'Espagne comme Rosalia. C'est ma gadi, amore mia. J'ai vécu seul, la tête dans les nuages. J'avais le seum, j'ai commencé à prier. Elle vient d'Espagne comme Rosalia. C'est ma gadi, amore mia. J'ai vécu seul, la tête dans les nuages. J'avais le seum, j'ai commencé à prier. Hayati, j'suis trafiquant de love. J'te fais la cour, je t'appelle Miyama. Oh, j't'écris des poèmes et j'les canne tard. J't'ai trouvé quand je pensais que c'était trop tard. Tout seul j'avais engagé. Ça y est, la rue elle m'a gavé. Aujourd'hui les keufs m'arrêtent pour la teuf. J'ai mes singles de diamants dans le coffre. Tu m'as entendu sur Skyrock. J'crois que j'suis sous écoute, allume la radio. Comme Zlatan, j'suis connu à Milano. Algérien, danger, peligroso. Ouah, aujourd'hui elle me laisse tout seul. Ouah, t'es bizarre, tu fais des poussettes. Elle vient d'Espagne comme Rosalia. C'est ma gadi, amore mia. J'ai vécu seul, la tête dans les nuages. J'avais le seum, j'ai commencé à prier. Elle vient d'Espagne comme